La communauté internationale admire les exploits du dirigeant suprême Kim Jong-un. Dans les 1 page d'Internet, l'Association britannique d'études de la politique de Sun Gun et le Parti socialiste de Roumanie ont écrit notamment « Les Coréens engagés dans la campagne de 2017 avec la confiance en la victoire sont animés de la fierté et du bonheur d'être guidés par le camarade Kim Jong-un, grand homme sans pareil et père affectueux. Le socialisme coréen qui matérialise l'idée du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il qui ont considéré le peuple comme Dieu se développe grâce à la politique de primauté, de respect et d'amour du peuple pratiquée par le camarade Kim Jong-un. » Le homepage d'Internet du Comité brésilien pour la solidarité avec la République populaire démocratique de Corée, le homepage d'Internet russe irkutskblogspot.ru et le homepage d'Internet de l'Association d'amitié avec la Corée, le Network d'une Corée, ont affirmé. Pour son excellence Monsieur Kim Jong-un, l'amour du peuple est le point de départ de toutes les réflexions et de toutes les activités. L'amour du peuple, c'est le principe et l'objectif suprême de toutes ses activités politiques. Il se dévoue pour le peuple et s'appuie sur lui pour édifier un paradis du peuple. Le homepage d'Internet du Comité national d'études du Kim Il-sungisme Kim Jong-ilisme du Nigérian a indiqué « La générosité du dirigeant suprême Kim Jong-un touche le monde entier. La Corée est l'unique pays où le dirigeant et le peuple forment l'unité monolithique. »